toujours jeudi, toujours jeudi après-midi. Moi t'es en distraction, moi t'es en digue sans position. Moi gagne un bon zombie, qui remarque sa consolation. Il fait une proposition, pour mal assister répétition. Il fait une proposition, pour mal assister répétition. Demandez-moi beaucoup. avalé sur le monde. Mio, mio. On a le caressé. Mio, mio. À la bambouillon, à la bambouillon, c'est les bonnes.